Chapitre 4. Une esquisse du bon ton. Empressée de reprendre une conversation qui lui avait fait tant de plaisir, Cécile, oubliant la fatigue de son voyage et le peu qu'elle avait dormi, se leva avec le jour, et dès qu'elle fut habillée, elle se rendit, sans perdre de temps, à la salle à manger. Elle n'avait pas eu plus d'impatience d'y entrer qu'elle n'en eut bientôt d'en sortir, car, quoique peu surprise d'y avoir précédé son amie, le désir d'y attendre son arrivée fut bientôt ralenti en trouvant que le feu était à peine allumé et que la chambre, en désordre, n'était point encore chauffée. À 10 heures, elle fit une nouvelle tentative. La salle était rangée, mais il n'y avait personne. Elle se retirait pour la seconde fois lorsque M. Arnott, qui arrivait, l'engagea à rester. Il lui témoigna sa surprise de ce qu'elle s'était levée si matin, de manière à prouver le plaisir qu'il avait de la voir. Ensuite, reprenant la conversation de la veille, il parla assez vivement du bonheur des jours de son enfance, rappela les moindres circonstances des amusements qu'ils avaient partagés, et s'arrêta avec complaisance sur certains petits détails, d'un ton à prouver combien ce récit lui était agréable. Ils ne cessèrent de s'en entretenir qu'à l'arrivée de Madame Harel, et alors la conversation devint plus animée et plus générale. Pendant le déjeuner, l'on annonça à Cécile la visite de Mademoiselle Larolle, qui s'approcha de l'air dont elle aurait abordé une ancienne amie. Elle lui prit la main et l'assura qu'elle n'avait pu différer plus longtemps de se procurer l'honneur de la voir. Cécile, étonnée de cet excès de politesse de la part d'une personne qu'elle connaissait à peine, reçut son compliment avec un peu de froideur. Mais Mademoiselle Larolle, sans s'embarrasser de son air, continua de lui exprimer le désir ardent qu'elle avait depuis longtemps de la connaître, lui dit qu'elle espérait la voir fréquemment, assurant que rien au monde ne lui ferait plus de plaisir, et la pria de permettre qu'elle lui recommandât sa marchande de mode. « Je vous assure, continua-t-elle, qu'elle a tout Paris à sa disposition. Vous y verrez les plus charmants bonnets, les plus magnifiques garnitures. Ses rubans sont toujours du meilleur goût. Rien au monde de si dangereux que sa boutique. Je n'entre jamais chez elle que je ne sois sûr d'en sortir ruiné. Je vous y mènerai ce matin, si vous voulez. » « Je vous remercie, » dit Cécile. « Si sa connaissance est si redoutable, je ferais mieux de n'y pas y aller. Cela est impossible. On ne saurait vivre sans elle. Il est vrai qu'elle est horriblement chère, mais doit-on s'en étonner? Elle fait de si jolies choses qu'on ne peut trop les payer. » Madame Harel, ayant joint sa recommandation à la sienne, la partie fut arrangée, et les dames, accompagnées de M. Arnott, se rendirent chez la marchande de mode. Ce fut là où Mademoiselle Larolle recommença ses louanges et ses extases. Elle examina avec un plaisir inexprimable les ajustements qu'on étala, demanda le nom des personnages auxquels ils étaient destinés, les entendit nommer avec envie, et soupira avec toute l'amertume de l'humiliation de ce qu'elle n'était pas assez riche pour acheter presque tout ce qu'elle voyait. Leurs emplettes finies, ils visitèrent encore plusieurs manufactures de ce genre, et Mademoiselle Larolle prodigua partout les mêmes éloges et les mêmes désirs de tout acquérir. Après l'avoir amenée chez elle, Madame Harel et son amie rentrèrent pour le dîner, celle-ci se félicitant de passer la soirée tête à tête avec elle. « Mais non, » dit Madame Harel, « cela ne se peut pas, car j'entends du monde ce soir. »« Encore du monde ce soir ? » ?»« Oui, ne vous épouvantez pas. La compagnie sera peu nombreuse, tout au plus 15 à 20 personnes. »« Regardez-vous 15 à 20 personnes comme une compagnie peu nombreuse ?» répartit Cécile en souriant. « Il n'y a pas bien longtemps que vous et moi l'aurions trouvé tout autrement. »« Oh, vous parlez du temps où je vivais en province. » répartit Madame Harel. « Quelle idée pouvais-je alors me former de la compagnie ou des sociétés ?» La compagnie était, comme la veille, composée de gens inconnus à Cécile, à l'exception de Mademoiselle Leeson, qui se trouva placée à côté d'elle, et dont l'aspect froid l'obligea à nouveau à observer le silence. Elle fut cependant surprise qu'une demoiselle qui paraissait décidée à n'être amusée, et à n'amuser personne, eut quelque envie de se montrer deux fois de suite dans une assemblée où rien ne semblait l'intéresser. M. Arnaud vint la dédommager du silence de sa voisine. Il l'entretint encore des amusements de leur enfance, dont le souvenir lui était cher. Et quoiqu'elle essayât de changer de sujet, il y revint toujours avec une espèce d'obstination. Lorsque la compagnie se fut retirée, M. Arnaud étant resté seul avec les dames, Cécile, surprise de ne point voir M. Harel, demanda de ses nouvelles, et observa qu'il n'avait point paru de toute la journée. « Oh ! S'écria sa femme, vous en êtes étonné. Cela arrive continuellement. Il dîne ordinairement au logis. Sans cela, je ne le verrai jamais. Réellement ? Et à quoi emploie-t-il son temps ? C'est ce que je ne saurais vous dire, car il ne me consulte jamais là-dessus. Cependant, j'imagine qu'il l'emploie à peu près de même que ses pareils. » Ah, Priscilla ! S'écria Cécile, d'un ton sérieux. Je ne m'attendais guère à vous trouver aussi changée, et que vous eussiez adopté en si peu de temps les maximes des femmes du bon ton. Des femmes du bon ton ? Répéta Madame Harel. Eh bien, ma chère, je suis l'usage établi parmi les personnes de mon état. On ne saurait, je pense, trouver rien à redire à mon genre de vie. Miss Beverley, dit tout bas Monsieur Arnaud, vous donnerez, j'espère, l'exemple aux autres, et vous ne le prendrez jamais d'eux. Un moment de silence suivit cette conversation, et bientôt ils se séparèrent. Le lendemain matin, Cécile ne manqua pas d'employer son temps d'une manière plus utile que la veille. Et sans s'amuser à parcourir la maison pour chercher une compagne qu'elle était sûre de n'y pas trouver, elle se fit un plan d'occupation qui devait remplir ses moments de loisir, et la lecture dans laquelle elle se promettait de trouver de l'instruction et de l'amusement fut pour elle la ressource qui lui parut la plus assurée au milieu de l'ennui et des inutilités de la société. On était encore à déjeuner lorsqu'on reçut une nouvelle visite de Mademoiselle Larolle. « Je suis venue, s'écria-t-elle vivement, pour courir avec vous à l'auction de My Lord Belgrade. Tout l'univers y sera et nous entrerons au moyen de nos billets. Vous ne sauriez vous figurer la foule qu'il y aura. »« Qu'est-ce qu'on y vendra ? » demanda Cécile. « Oh, tout ce qu'on peut imaginer. Des maisons, des écuries, de la porcelaine, des dentelles, des chevaux, des bonnets, toutes sortes de choses. Et vous proposez-vous d'y faire quelque emplette ? « Mon Dieu, non, mais on est bien aise de voir tout cela. » Cécile la pria de vouloir bien l'excuser, si elle se dispensait de l'accompagner. « Non, je ne saurais y consentir, » s'écria Mademoiselle Larolle. « Il faut que vous y veniez. Je vous assure qu'il y aura la plus terrible foule que vous ayez jamais vue de votre vie. Je suis certaine que nous y serons à moitié étouffés à force d'être pressés. » « Cette expectative, dit Cécile, est peu flatteuse. » Et ne saurait avoir beaucoup d'attrait pour une pauvre provinciale nouvellement débarquée. Il faudrait, pour en sentir tout le prix, que j'eusse passé plus de temps dans la capitale. Oh, venez, car ce sera sûrement l'auction la plus fameuse de cette saison. Je ne saurais imaginer, Madame Harel, le parti que prendra la malheureuse Milady Belgrade. J'apprends que les créanciers ont saisi tout ce qui restait. Ces gens-là sont à mon gré la plus cruelle engeance qu'il y ait au monde. Ils lui ont saisi jusqu'à ces belles boucles de souliers que nous le connaissions. Pauvre femme, je vous déclare que j'aurais le cœur déchiré en les voyant exposés en vente. Sur ma parole, rien de plus révoltant. Je n'en ai encore pas vu d'aussi bien travailler. Mais, allons, il est tard. Si nous ne partons pas sur le champ, nous ne pourrons jamais entrer. Cécile la pria de nouveau de l'excuser et de la dispenser de l'accompagner, ajoutant qu'elle était décidée à rester au logis. « Au logis, ma chère ? » repartit Madame Harel. « Cela ne se peut pas. Il y a plus d'un mois que nous avons promis à Madame Mears, et elle m'a prié de vous engager à être de la partie. J'attends à tout instant qu'elle vienne elle-même, ou qu'elle vous envoie un billet d'invitation. « Il est bien malheureux pour moi, dit Cécile, que vous ayez dans ce moment un si grand nombre d'engagements. Je me flatte du moins que vous n'en aurez point pour demain. » « Pardonnez-moi. Demain, nous serons chez Madame Elton. »« Encore demain ? Et combien cela durera-t-il ? » ?»« Dieu le sait. Je vous montrerai ma liste. » Alors, elle tira de sa poche un petit livre qui contenait les noms des différentes personnes auxquelles elle avait promis. Il y en avait au moins pour 3 semaines. « Je les efface, dit-elle, à mesure que ses promesses sont remplies, et j'y substitue les nouvelles. Cela nous mènera, je crois, jusqu'à l'anniversaire de la naissance du roi. » Cette liste ayant été examinée et commentée par Mademoiselle Larolle et parcourue avec étonnement par Cécile, on la remit à sa place, et les deux dames s'en furent à l'auction, permettant cependant pour cette fois à Cécile de ne pas les suivre. Elle retourna à son appartement tout aussi peu satisfaite de la conduite de son amie que de sa position. L'éducation qu'elle avait reçue lui ayant inspiré de bonne heure le plus grand respect pour les préceptes salutaires de la religion et les règles fondamentales de la plus exacte probité, lui avait en même temps fait envisager une continuelle dissipation comme un acheminement au vice et la prodigalité comme un avant-coureur de l'injustice. Accoutumée depuis longtemps à voir Madame Harel dans la solitude qu'elles avaient habitée ensemble, lorsque les livres faisaient leur principal amusement et leur société mutuelle leur plus grand bonheur, le changement qu'elle remarquait dans sa façon de penser et d'agir la surprenait autant qu'il l'affligeait. Elle la voyait devenue insensible à l'amitié, indifférente pour son mari, et ne s'occupant jamais de soins domestiques. La parure, la compagnie, les parties de plaisir et les spectacles paraissaient non seulement prendre tout son temps, mais être encore l'objet de tous ses désirs. Cécile, dont le caractère noble et généreux ne respirait que la bienveillance et le goût sincère de toutes les vertus, fut cruellement mortifiée de cette métamorphose. Elle eut cependant assez de raisons pour s'abstenir de lui en faire des reproches, convaincue que l'unique effet qu'il puisse produire sur un cœur insensible, c'est de changer l'indifférence en aversion. Dans le fond, celui de Madame Harel était honnête, quoique sa vie fût très dissipée. Mariée fort jeune, elle avait passé tout d'un coup de la tranquillité d'une petite ville de province au tumulte de la capitale, et s'était trouvée maîtresse d'une des maisons les plus élégantes de la place de Portman, jouissant d'une fortune considérable, et femme d'un homme dont la conduite lui prouva bientôt le peu de cas qu'il faisait du bonheur domestique. Engagée dans un cercle continuel de société et d'amusement, son esprit, qui n'était pas des plus solides, se laissa bientôt éblouir par l'état de sa situation. Elle adopta facilement les maximes générales des gens du monde, et n'eut bientôt plus d'autre désir que de surpasser ses égales par sa parure et sa dépense. Le doyen de X, en choisissant M. Harel pour l'un des tuteurs de sa nièce, avait simplement cherché à satisfaire le penchant qu'il supposait qu'elle aurait à vivre avec son ami. Il le connaissait très peu. Il l'avait, oui, souvent nommé, et avait seulement des liaisons avec sa famille, ce qui, sans chercher à en savoir davantage, lui parut suffisant pour présumer que ce tuteur conviendrait aussi bien qu'un autre à Miss Beverley. Il avait été plus circonspect dans le choix des deux autres. Le premier, M. Delville, était un homme de très grande naissance et d'une probité reconnue. Le second, M. Briggs, avait passé sa vie dans le commerce, où il avait déjà amassé une fortune immense. Il n'avait pas de plus grand plaisir que celui de l'augmenter. Il se promettait, en conséquence, des sentiments nobles et généreux du premier, que sa nièce serait protégée et à l'abri de toute imposition. Et vu l'expérience de M. Briggs en matière d'intérêt et son habileté dans les affaires, il attendait de ses soins que sa fortune, tant qu'elle resterait entre ses mains, ne manquerait pas de prospérer. De cette manière, il se flattait d'avoir également pourvu à ses plaisirs, à sa sûreté et à la conservation de son bien. Lorsque Cécile descendit pour dîner, M. Harel lui présenta le chevalier Robert Floyer comme son plus intime ami. C'était un homme d'environ 30 ans, ni beau ni laid. Tout ce qui le distinguait, c'était une assurance à toute épreuve, des manières libres, un air fier, un ton dédaigneux et brusque. Il montrait tous les vices des hommes à la mode, sans en avoir les grâces ni la politesse. Au moment où Miss Beverley parut, elle devint l'objet de son attention. Il ne la fixait cependant point avec cette admiration qu'on doit à la beauté, ni même avec l'air de curiosité que s'attire ordinairement la nouveauté. Mais avec le regard d'un observateur exact, tel que celui d'un homme qui, sur le point de conclure un marché, considère et cherche à découvrir les défauts de la chose qu'il se propose d'acquérir. Cécile, peu accoutumée à un tel examen, rougit, et chercha à éviter les yeux d'un homme dont les discours lui plurent encore moins que les regards. Il ne parla que de courses de chevaux, des pertes qu'il avait faites au jeu, et des disputes qu'elles avaient occasionnées, objets qui l'amusèrent d'autant moins qu'ils lui étaient absolument nouveaux. D'ailleurs, il les entremêla d'épisodes qui avaient trait à quelques beautés célèbres du jour, à des bruits sourds de banqueroute prochaine, et plaisanta sur des divorces récents, choses qui furent encore plus désagréables pour elle, parce qu'elles lui étaient encore moins intelligibles. Fatigué à la fin de ces anecdotes peu intéressantes, et révolté des sujets qu'il choisissait pour le but de ses railleries, elle attendait avec impatience le moment où elle pourrait se retirer. Mais Madame Harel, moins impatientée parce qu'elle s'amusait, n'était point d'humeur à quitter si tôt la partie. Elle fut obligée de rester jusqu'au moment où il fallut partir pour remplir leur engagement avec Madame Mears. En se rendant au logis de cette dame, dans le vis-à-vis de Madame Harel, persuadée que son amie pensait comme elle sur le compte du chevalier baronnet, elle témoigna hautement et sans préambule combien elle désapprouvait tout ce qu'il avait dit. Madame Harel, loin de répondre à son attente, lui répliqua froidement. « Je suis fâchée que vous ne le goûtiez pas, car il vient presque tous les jours au logis. » « Serait-il possible qu'il vous plût ?»« Extrêmement. Il est très amusant, fort aimable et connaît le monde. » « Que vous le louez avec discernement ?» s'écria Cécile. « Il vous faudrait bien du temps pour imaginer une nouvelle louange propre à grossir son panégyrique. » Madame Harel, satisfaite d'en avoir parlé si avantageusement, ne chercha point à entreprendre son apologie et changea de conversation. Cécile, quoique affligée de ce que le mari de son amie avait si mal placé sa confiance, se flatta pourtant que l'indulgence de sa femme ne venait que de l'envie qu'elle avait d'excuser une intimité qu'elle n'osait désapprouver.